Ok. C'est ma dernière balle, celle qui sauvera mon âme, celle qui t'aidera à te sentir moins mal. Le rap m'a fait du mal, pourtant j'en ai fait à balle. La balle est remise au centre pour la finale. C'est infernal, c'est mon son final. Après je récupère mes bagages et je me barre de là. T'étais où toi quand je rappais pour toi? Lâche-moi, j'ai plus le temps pour ça. J'ai fait une croix dessus, je ne reviendrai pas dessus. Trop déçu de ce que le rap est devenu. Je me suis mis à cœur nu pour toucher les vôtres. J'ai creusé mon cerveau pour jouer avec les mots. J'ai cru être adoré, rien de ça. J'ai été détesté, plus respecté. Et je me retire comme j'enlève un but d'une chatte, d'une tasse. Tu pourras encore me quitter si t'as me cédé. Tu pourras te faire enculer si tu ne m'as pas supporté. C'est fini. C'est fini, merci ami, merci ennemi. L'histoire était vraiment jolie, mais chaque histoire se finit. Fini et nous, je dors avec mon stylo. Où j'ai fini plein de mots, le rap j'en ai fait trop. C'est fini, merci ami, merci ennemi. L'histoire était jolie, mais chaque histoire se finit. Fini les nuits, où je dors avec mon stylo. Où j'ai écrit des tonnes de mots, le rap j'en ai déjà fait trop. Je me souviens de mon premier texte. J'étais loin de croire que le rap me prendrait la tête. J'ai plus de 5 albums à mon actif. J'étais un mec actif, mes rimes je les kiffe comme les filles pour qui j'ai écrit. J'ai passé 6 ans à moins souffrir de ma vie, car je faisais ce que j'avais envie. Maintenant je suis reparti dans la vraie vie, les poings nus face à mes ennemis. Le cœur assombri par tout ce que j'ai vécu et les personnes que j'ai connues. Traînant dans les rues à la recherche du temps perdu, les rappeurs font peur dans leurs textes. Plus rien ne se coupe mon cœur, trop de partout se font les dégradés à la robe. Des vrais suceurs de queue entre les fashion victimes et les faux robeux. Où puis-je me placer car ma vie va recommencer? Fais gaffe, mes sons sont des vraies bombes et risquent d'exploser. Protège-toi, assis-toi et regarde-moi car c'est fini, enfoiré. C'est fini, merci ami, merci ennemi. L'histoire était vraiment jolie, mais chaque histoire se finit. Fini les nuits où je dors avec mon stylo. Où j'écris des tonnes de mots, le rap j'en ai fait trop. C'est fini, merci ami, merci ennemi. L'histoire était jolie, mais chaque histoire se finit. Fini les nuits où je dors avec mon stylo. Où j'écris des tonnes de mots, le rap j'en ai déjà fait trop. Je me sépare du rap à contre-cœur. Je préfère ça que de briser mon propre cœur. J'ai suivi mes peurs, j'ai essuyé la sueur de mon front. J'ai fait ça à fond, j'ai mordu à l'hameçon du rap. Il m'a dit maintenant t'es à moi, t'es voir ce que t'as en toi. Il a aimé ma voix, il m'a dit c'est toi le roi. Puis j'ai écrit des pages et des pages. J'ai rappé dans la cour de récré, dans le hall des bâtiments où je traînais adolescent. Mes potes me supportaient, mais comme dit D6, quand tu commences tes supporters sont du genre fervent. Le truc qui est venu brouiller tout, c'est bien sûr le talent. Je les ai laissés sur le trottoir, genre perdant. C'est fini. C'est fini. Fini. Fini. Fini. Yo, the journey's right now. C'est fini, merci ami, merci ennemi. L'histoire était vraiment jolie, mais chaque histoire se finit. Fini les nuits où je dors avec mon stylo. Où j'écris des tonnes de mots, le rap j'en ai fait trop. C'est fini, merci ami, merci ennemi. L'histoire était jolie, mais chaque histoire se finit. Fini les nuits où je dors avec mon stylo. Où j'écris des tonnes de mots, le rap j'en ai déjà fait trop.